En direct, le 7 juin 2010, vous écoutez... vous écoutez pas vraiment Christiane Charette, même si c'est son thème musical. Ce n'est pas encore Anne-Marie Wittenshaw qui sera là dans deux semaines. C'est Bernard Fauché qui est au microphone pour vous accueillir pour cet entre-deux de deux semaines. C'est ainsi que j'ai rebaptisé l'émission. L'entre-deux parce que on est entre la fin de la saison de Christiane Charette et le début de la saison d'Anne-Marie Wittenshaw qui va occuper ce créneau horaire au cours de l'été. On reste donc dans l'esprit de l'émission de Christiane Charette avec la même équipe de recherche, les mêmes collaborateurs. José Legault et Nathalie Petrovski seront là vendredi pour la revue de la semaine et d'autres chroniqueurs réguliers viendront nous visiter au cours de ces deux semaines. Donc, l'entre-deux de deux, c'est ainsi le nom officieux de cette émission. Autre particularité, cette semaine, l'émission ne durera qu'une heure parce que, à compter de 10 heures, aujourd'hui et jusqu'à vendredi, on vous présentera une émission spéciale, une série de reportages qui ont été réalisés par Charles Trahan et François Bouguingo. C'est en marge de la Coupe du monde de soccer qui se tiendra en Afrique du Sud. C'est donc une série de reportages, de documentaires sur l'Afrique du Sud, non pas sur le sport ni sur le soccer, mais vraiment sur la société d'Afrique du Sud. Ceux qui redoutent un cours de géopolitique, oubliez ça, c'est vraiment un reportage terrain avec des témoignages de gens ordinaires et moins ordinaires. On entendra notamment Tandi Klassen, c'est une chanteuse sud-africaine, c'est surtout la mère de Lauren Klassen qu'on connaît bien. Et donc, on entendra son témoignage dans l'émission d'aujourd'hui. Et donc, à la fin de l'heure, je recevrai Charles Trahan et François Bouguingo pour parler de cette série. Mais pour ouvrir l'émission, je reçois Michael Fortier, ancien sénateur, ancien ministre conservateur des travaux publics notamment. Et il a été un homme clé dans le retour du Grand Prix de Formule 1 à Montréal, qui se tiendra le week-end prochain. Et donc, on en parlera avec lui. Et puis, je recevrai également l'avocat Julius Greig, que l'on connaît bien. Il est en compagnie de Cyril Béraud. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques semaines, un jour où j'avais remplacé Christiane, on avait parlé de ce procès qui a été intenté par Cyril Béraud, président de Savoir-faire Linux. Il a poursuivi le gouvernement du Québec pour une question d'appel d'offres dans des services informatiques. Il aurait voulu que sa compagnie puisse participer à l'appel d'offres avec des logiciels libres. Et donc, ça n'a pas eu lieu. Il a poursuivi et il a gagné. Il y a eu un jugement qui a été rendu jeudi dernier et qui pourrait faire jurisprudence un peu partout dans le monde. Donc, on parlera de cette histoire-là avec Maître Gray et Cyril Béraud. Alors, quelques secondes, le temps d'accueillir Michael Fortier et on commence tout ça. Je vous invite également, si vous avez des commentaires, des suggestions, si même vous voulez proposer d'autres titres pour cet entre-deux de deux, vous êtes bien sûr bienvenue de nous écrire au courriel cc@radiocanada.ca. Et sinon, il y a le site de l'émission qui est à radiocanada.ca/Christiane. Alors, on commence cet entre-deux de deux avec Michael Fortier. Bonjour, Michael Bonjour. Fortier. Vous allez bien? Très, très bien, vous-même. Ça va très, très bien. Monsieur Fortier, normalement, le champagne coule à flot lors des Grands Prix. Donc, ça devrait couler à flot en fin de semaine à Montréal pour le retour du Grand Prix. J'imagine que vous allez avoir de bonnes raisons de sabrer le champagne, vous aussi. Ben, moi, c'est sûr que je suis très heureux. Cette semaine, je l'attendais depuis un long moment. Et je vous dirais que même depuis deux semaines, on sentait dans la ville, au centre-ville, une effervescence entourant le retour du Grand Prix. Et vraiment, cette semaine, c'est celle-ci, c'est maintenant qu'on va le vivre. Et pour tous ceux et celles qui, d'abord, qui sont des amateurs, tous ceux et celles qui vivent dans l'industrie du service et qui vont voir cette semaine une très bonne semaine d'affaires, pour tous ceux-là, je pense que c'est... C'est le moment des réjouissances. Est-ce qu'on a raison de dire que si le Grand Prix revient à Montréal, c'est grâce à vous? Non, c'est totalement faux. Ben, Michel Girard, pourtant, dans sa chronique de la presse, c'est un chroniqueur économique. Il n'est pas là pour faire copain-copain avec le monde du sport. Il dit que vous êtes l'homme-clé dans le retour du Grand Prix de Montréal. C'est curieux parce qu'à ce micro ici, j'ai déjà eu beaucoup de débats avec certains de vos collègues. Je me retrouve maintenant à débattre du fait que j'ai pas eu suffisamment ou que j'en ai eu trop de crédit. C'est un peu curieux, hein? C'est un renversement des chaises. Ben, c'est plus agréable quand même. Il faut dire la vérité, c'est que nous étions plusieurs. Moi, j'ai mené les négociations, mais les gouvernements, les hôteliers, eux, ont mis des sous. Il y avait un réel désir de la part de plusieurs autres joueurs clés de voir le Grand Prix revenir. Et je pense que maintenant, c'est pas le temps de pointer une personne ou une autre, mais je pense que c'est le temps de se réjouir du fait que le Grand Prix est revenu. Qu'est-ce que vous avez fait pour convaincre Bernie Ecclestone de revenir sur sa décision moins d'un an après avoir retiré le Grand Prix à Montréal? Ben, en fait, c'était un processus, je vous dirais, pédagogique, mais pas de moi. Je pense qu'il l'a fait lui-même. Et dans notre déveine, nous avons connu une grande veine, c'est-à-dire de l'avoir perdu en 2009. Vous savez, l'été dernier, on ne l'avait pas. On a eu une grande chance, c'est-à-dire qu'on l'a perdu au milieu de la pire crise économique depuis les 60 dernières années. Et M. Ecclestone, dans les premiers Grands Prix de la saison 2009, l'an dernier, a réalisé que son produit n'était pas immunisé contre la crise économique. Les premiers Grands Prix ne se jouaient plus à guichet fermé. Ah bon? En fait, il y avait énormément de sièges vides en Australie, en Chine, dans le Golfe. Et moi, je suis réapparu dans le portrait lors d'une rencontre qui se voulait amicale, de courtoisie, alors que j'étais à Londres, pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Et je pense que je l'ai surpris au milieu d'une grande réflexion sur, un, ce qui lui arrivait au niveau de la crise économique, et deux, ce grand succès de foule, ce grand succès événementiel qui avait été Montréal, probablement qu'il commençait à regretter l'absence de Montréal au calendrier. Comment on approche Bernie Ecclestone? Est-ce que vous le connaissiez avant? Avez-vous fait le tour de gens qu'il connaissait pour comprendre le personnage avant d'aller le rencontrer? Oui, j'ai fait ça en 2008 lorsqu'on a échoué. Avant d'aller le voir, j'ai parlé à Guy Laliberté qui le connaissait bien. Mais autrement, j'avais pas d'autres repères. C'est un homme assez approchable. Lorsque je l'ai appelé la toute première fois en 2008, en pleine campagne électorale, lorsque les premières rumeurs circulaient à l'effet que Montréal allait perdre le Grand Prix, il a pris tout de suite mon appel. Vous étiez ministre à ce moment-là? Oui, j'étais ministre. Bien, c'est sûr qu'être ministre, ça aide à répondre au téléphone. Oui, mais j'avais le numéro de son portable que quelqu'un m'avait gentiment glissé à l'oreille. Et donc, quand il a pris mon appel, quand j'ai dit « je m'appelle Michael Fortier et je suis ministre au gouvernement du Canada », en fait, je suis pas mal certain qu'il n'y avait aucune idée de qui j'étais. Et ça aurait pu d'ailleurs être un canular. Toujours est-il... Ça aurait pu être un justicier masqué. Ça aurait pu, mais ce ne l'était pas. Et donc, non, c'est un bonhomme qui n'est pas difficile d'approche. Mais ce n'est pas la réputation qu'il a. On entend toujours parler de lui comme d'un espèce de dictateur qui impose sa loi, ses volontés à tout le monde, qui n'est pas négociable. Régent Tremblay racontait en fin de semaine l'histoire de François Dumontier, qui est aujourd'hui le promoteur du Grand Prix. La première fois qu'il a rencontré Ecclestone, c'était dans le hall d'entrée de son bureau. C'est seulement à la deuxième rencontre qu'il a pu pénétrer dans le cénacle de Bernie Ecclestone. Vous dites qu'il n'est pas le personnage qu'on décrit? Ben, c'est-à-dire que ce que je vous dis, moi, c'est l'expérience que j'ai vécue d'un homme qui était facile d'approche. Je ne vous dis pas que les négociations ont été faciles. Il est facile d'approche, mais bien entendu, c'est un homme qui aura 80 ans très bientôt. Alors, il a ses méthodes, il a ses habitudes. Qu'il reçoive quelqu'un dans une salle de conférence ou l'autre, moi, personnellement, ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, cette toute première rencontre en 2009, après qu'on ait échoué dans le sauvetage du Grand Prix, c'était de comprendre. Je ne comprenais pas. Moi, je suis dans le milieu des affaires depuis 25 ans, et quand quelqu'un a le secret pour un produit ou un bien qui se vend très bien, il me semble que le produit ou le bien, il ne le retire pas du marché. Ça m'apparaissait absurde. Les gradins étaient tout le temps pleins. Moi, je ne suis pas un assidu de la F1. Je suis allé comme ministre et j'étais surpris de voir. Il y avait des centaines de milliers de personnes durant les trois jours qui s'y rendaient. Comment était-ce possible que Montréal perde le Grand Prix? C'est un peu comme si on m'avait dit « Le Festival international de jazz déménage à Bahreïn. » Mais j'aurais dit, mais voyons, les salles sont pleines, les rues sont pleines, il faut m'expliquer. Honnêtement, je pense que c'est une bonne analogie, c'est à peu près la même chose. Visiblement, vous avez été convaincant, d'une part parce que le Grand Prix est revenu à Montréal, mais vous semblez être devenu copain-copain avec Bernie Ecclestone. Vous allez participer ces jeudis soirs, je pense, à un événement bénéfice au profit des fondations de l'Hôpital Sacré-Cœur et de l'Hôpital Sainte-Justine. C'est un événement que vous allez co-présider avec Bernie Ecclestone. Et il sera là, je pense que c'est une des premières fois de sa vie qu'il participe à un événement bénéfice. Et il a accepté, semble-t-il, à votre invitation. Oui, c'est exact. Donc, les relations sont très bonnes avec M. Ecclestone. Pour moi, l'important, c'est qu'elles soient assez bonnes pour qu'il me dise oui. Moi, il me semblait que, on en a parlé tout à l'heure, il y a des retombées économiques importantes avec le retour du Grand Prix, mais il me semblait qu'il y avait un élément qu'on n'avait pas exploré, c'est-à-dire la possibilité d'aider des organismes à l'extérieur de l'industrie du service. Mm-hmm. Faire œuvre utile, ouais, même dans une opération capitaliste. Tout à fait. Et lui, c'est un bonhomme, bon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un bonhomme controversé, j'en conviens. Mais la réalité, c'est que si j'arrivais à le convaincre d'accepter de co-présider un événement avec moi, où on pouvait verser des centaines de milliers de dollars à deux hôpitaux, ben moi, je pense que ça valait la peine. Alors, il n'a pas hésité un moment. Quand je le lui ai proposé, il a dit oui sur le champ. Et depuis ce moment, Bernard, ça fait maintenant 2 mois et demi qu'il a accepté. Il a écrit des lettres à tous les écuries pour les prévenir que cet événement à Montréal se tenait, qu'il souhaitait qu'ils achètent des tables, qu'il souhaitait que les pilotes soient présents. Il a fait beaucoup plus que juste prêter son nom. Je lui ai reparlé la semaine dernière. Il voulait savoir combien de tables on avait vendues. C'était à guichet fermé. Il était très heureux. Donc, une autre façon pour nous de profiter du Grand Prix, c'est d'en faire profiter Sainte-Justine et Sacré-Cœur. Mais je m'excuse de revenir encore là-dessus, mais pour que Bernie Ecclestone dise oui à un événement comme celui-là qui ne lui rapporte rien à lui, non, il faut vraiment que vous soyez un ami. Bon, des amis, moi les amis que j'ai connaissent le nom de mes enfants, savent où j'habite et savent que j'ai jamais réussi à me faire élire. Ben, ce sera peut-être le... Alors lui, je pense pas qu'il est rendu là. Je pense que c'est quelqu'un qui doit me trouver sympathique. Il voit que je suis tenace, c'est vrai, et nos négociations se sont toujours conduites dans le respect mutuel. On a eu plusieurs rencontres et on a réussi à aboutir à une entente consensuelle. Ça s'est bien passé et probablement qu'il a trouvé mon idée intéressante. C'est vrai qu'il ne l'a jamais fait, mais il faut faire attention. On peut laisser sous-entendre aux auditeurs qu'il ne l'a jamais fait parce qu'il a refusé. Moi, je serais pas surpris d'apprendre que personne n'a eu l'idée auparavant. Pourquoi vous riez? Ben, parce que je trouve ça infiniment sympathique comme raisonnement. Ben, c'est parce qu'il ne faut pas toujours présumer que quelqu'un n'a pas le cœur à la bonne place. Comme je vous dis, quand je lui ai demandé, il m'a dit oui immédiatement. Je lui ai dit les hôpitaux que je visais. Il était d'accord. Évidemment, il ne les connaît pas. Mais sa parole, il l'a tenue. Et comme je vous le dis, il a même posé des gestes pour s'assurer que la soirée soit un grand succès. Mon petit doigt me dit qu'au terme de son week-end à Montréal, Bernie Ecclestone aura rencontré vos enfants, votre conjointe, et saura qu'il n'avait pas été réélu en 2008. Donc, il pourra se qualifier comme ami, sans doute. Il va certainement rencontrer ma femme Michelle, ça c'est sûr. Certains de mes enfants qui vont être au grand soir, mais pas tous, parce que j'en ai encore des petits, alors ceux-là... Donc, ce sera un demi-ami. Un demi-ami. Michael Fortier, vous le disiez tantôt, Bernie Ecclestone a 79 ans, bientôt 80. Il y a bien des gens dans le milieu qui se préoccupent de la succession de Bernie Ecclestone. On imagine facilement qu'à 80 ans, il y a plus d'années derrière lui qu'il y en a devant lui pour diriger la F1. Vous avez peut-être lu Régent Tremblay en fin de semaine. Normand Legault, qui était le promoteur du Grand Prix, n'est pas revenu, lui, avec le Grand Prix. Vous devez le connaître, Normand Legault. Oui, bien sûr. Pourquoi il n'est pas revenu comme promoteur? Bien, M. Legault avait été très clair lorsqu'il a quitté la scène en 2008, lorsqu'on a échoué pour ramener le Grand Prix en 2009. M. Legault avait été clair et limpide, il ne revenait plus comme promoteur. Et même lorsqu'on tentait de sauver le Grand Prix pour la saison dernière, M. Legault nous avait dit, il avait dit publiquement que lui, c'était terminé. Donc, je pense qu'il avait déjà annoncé que le rôle de promoteur ne l'intéressait plus. Donc, je pense que c'est la simple explication. M. Legault est passé à autre chose. Mm-hmm. Mais dans sa chronique du week-end dans la presse, Régent Tremblay disait que M. Legault, Normand Legault, serait peut-être un bon candidat à la succession de Bernie Ecclestone. Effectivement, il connaît bien le circuit, il connaît tous les constructeurs, il a une excellente réputation parce qu'il a monté un Grand Prix qui est un grand succès à Montréal. Est-ce qu'on peut penser que Normand Legault serait effectivement un candidat sérieux à la succession de Bernie Ecclestone? D'abord, je ne sais pas si il y a un poste à combler. M. Ecclestone aura bientôt 80 ans, mais en même temps, c'est un homme qui est très vigoureux. Il me paraît en très bonne santé. S'il devait quitter, choisir de quitter ou peu importe, moi, je ne connais pas tous les critères qui sont nécessaires pour diriger cette entreprise. Je la connais un peu plus que je la connaissais il y a un an. Il est certain que M. Legault connaît bien les écuries, connaît bien le produit, connaît bien le marketing, tout l'aspect de la commercialisation. Donc, M. Legault, je suis certain que si M. Ecclestone devait quitter, que M. Legault serait approché ou serait un... considéré. Son nom ferait partie d'une courte liste, j'en ai aucun doute. Et avec un presque ami de Bernie Ecclestone, c'est-à-dire vous, est-ce que ça pourrait aider la succession, à ce que Normand Legault prenne la succession de Bernie Ecclestone? Non, non, là, vous me donnez beaucoup trop de pouvoir, honnêtement. Là, moi, vous savez, je suis un peu... Moi, j'ai cette relation avec M. Ecclestone, dont on a parlé depuis quelques dernières minutes, mais elle s'arrête là. Vous savez, M. Ecclestone est propriétaire d'une partie de son entreprise. La grande majorité des titres de contrôle de l'entreprise appartiennent à un fonds d'investissement américain. Et je présume que ce sont eux, avec M. Ecclestone, qui décideront de la succession le moment venu. C'est un consortium de banques? Non, c'est un fonds d'investissement. C'est okay. Un fonds d'investissement. Mais c'est un milieu, celui des investissements internationaux, des banques, c'est un milieu que vous connaissez bien. Oui, si vous voulez faire des associations d'idées, on peut en faire jusqu'à ce soir. Mais je vous dis la vérité. Moi, oui, je ne serai ni consulté et ni approché en passant. Là, même officieusement, pour... même non, amicalement. Écoutez, je pense pas. Je pense que Normand Legault a pas besoin de carte de visite si le poste était disponible et qu'on souhaitait l'approcher. Tous ceux et celles qui ont un rôle à jouer dans la Formule 1 dans le monde savent comment rejoindre Normand Legault et connaissent très, très bien ses lettres de créance. Donc, vous n'allez pas agir là-dessus? Non. Je ne serai certainement pas impliqué. Mais vous dites que mon travail s'arrête là, mais oui. Votre travail s'arrêtait à ramener le Grand Prix. Oui. Et pourtant, vous avez quand même organisé un événement bénéfice oui. Et oui. Vous avez amené Bernie Ecclestone. C'était pas dans votre mandat initial. Non, ça. Non, ça, c'est une idée parfois, que j'ai eue. Parfois, vous pouvez en faire un petit peu plus oui, que ce qu'on vous demande. Oui, c'est une idée que j'ai eue. Bon, oui, mais ça, c'est une idée. Mes idées n'aboutissent pas toujours de façon aussi intéressante. J'en ai plusieurs qui vont s'échouer au fond d'un ravin. Mais non, mais... Ou d'une raffinerie. En fait, je préférais dire un ravin. Oui, mais parlons-en un tout petit peu. Cette semaine va bien se terminer pour vous parce que vous avez bien réussi à ramener la F1 à Montréal. Aujourd'hui commence le démantèlement de la raffinerie de Shell dans l'est de Montréal. Vous aviez été mandaté pour essayer de trouver des acheteurs. Ça n'a visiblement pas fonctionné. J'imagine que vous devez avoir un peu de déception dans ce dossier-là. Bien, deux choses. La première, c'est que je suis pas sûr que le démantèlement commence physiquement aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est le président du syndicat qui l'a dit. Deuxièmement, le comité de survie m'a demandé de demeurer actif et d'explorer quelques pistes, et j'ai accepté. Et le syndicat aussi vous a demandé si vous accepteriez de retourner voir Shell et les acheteurs potentiels. Donc, il y a encore un peu d'espoir que le dossier puisse changer de direction? Tout ce que je peux vous dire, c'est que le comité sur lequel siège le syndicat et les gouvernements m'ont demandé de rester actif dans le dossier. Et après réflexion, j'ai accepté de rester actif. Parlons rapidement de politique. Quand vous voyez le gouvernement conservateur évoluer, est-ce que vous avez des regrets de ne plus être là ou vous êtes finalement assez heureux de ne plus être là? Ni un ni l'autre. Moi, j'ai jamais de regrets. J'ai beaucoup aimé mon passage à Ottawa. Mais j'adore ma vie maintenant. Ma vie me donne... j'ai le luxe d'apprendre à ma fille de 4 ans à faire du vélo à deux roues. ce que j'aurais jamais eu le temps de faire autrement. Elle serait restée au tricycle encore non, longtemps? Non, c'est sa mère qui le lui aurait appris. Et comme c'est moi qui l'ai appris aux quatre plus vieux, ceux qui sont des parents et qui m'écoutent savent très bien ce que je veux dire. C'est un moment là, très spécial. Quand on enlève les deux roues, on sent dans leurs yeux une inquiétude, ils ont peur de tomber et on les accompagne. Et quand ils réussissent, ils ont cette fierté et on l'a, nous aussi. Alors, c'est une petite vignette de ma vie personnelle que je vous présente ce matin parce que, pour moi, ça, c'est beaucoup plus important que ce que j'aurais pu faire à Ottawa. Mais est-ce que je m'ennuie? Est-ce qu'il y a des moments où je m'ennuie? Bien sûr. Je vois ce que Harper et son cabinet font au niveau international et je suis très content. Parce que moi, ça fait un moment que je le dis, que le G20 et la crise économique, si le Canada tirait bien ses cartes et tirait bien son, jouait bien la carte, le Canada pourrait devenir un joueur de plus en plus important au niveau géopolitique. Et je pense que c'est en train de se dessiner. C'est pas tout à fait, mais c'est en train de se dessiner. Alors, je suis bien content pour lui, bien content pour le gouvernement, mais content aussi pour tous les Canadiens, parce que un jour, ce sera pas toujours M. Harper qui va être premier ministre, il y aura un autre parti, un autre premier ministre, mais le travail qu'ils font maintenant, ben ça va servir les gouvernements futurs, et c'est pas inimportant d'avoir ces relations étroites avec les pays du G20 et de prendre du galon au niveau international. Et quand on voit l'émergence de la droite religieuse au sein du Parti conservateur, et Chantal Hébert, dans son blog au cours des derniers jours, en fin de semaine, aux coulisses du pouvoir, elle déplorait le fait qu'il n'y ait plus de ministre comme vous, qui était considéré comme un laïc et qui avait beaucoup de poids au sein du cabinet. Et là, on a l'impression que la place est pas mal libre pour les anciens réformistes de droite qui ont joint le Parti conservateur. Vous savez, un parti politique, c'est une grande famille. Quand vous faites, Bernard, vos réunions de Noël, vous recevez des cousins et des cousines, des enfants, des cousins et des cousines, il y a des gens avec lesquels vous avez plus d'atomes crochus, d'autres non. Et moi, c'est bien connu que j'avais des atomes crochus avec le premier ministre, avec quelques autres, mais dans le parti conservateur, il y avait aussi des éléments qui m'intéressait plus ou moins. Mais c'est vrai, si vous entreteniez ce matin avec un libéral, soit Pablo Rodriguez ou Nicolas Coderre, ils vous diraient la même chose. C'est ça, la vérité. Ils vous diraient pas ça parce qu'ils veulent pas vous le dire, mais c'est ça, la vérité. Il y a des gens de tous les horizons. Alors moi, la droite religieuse, c'est certain qu'il y en a dans le Parti conservateur pour qui l'Église, c'est important, pour qui l'action politique, je voudrais pas, passe par la chapelle, mais enfin, la chapelle a une importance très, très grande dans leur vie. Moi, je respecte ça, pas la mienne. Alors, c'est certain qu'il y a eu des moments où il y a eu des chocs des idées. C'est correct, c'est ça, un parti. Mais ça politique. Veut dire que si vous étiez encore là, il y a certaines positions avec lesquelles vous seriez probablement pas très à l'aise au sein du gouvernement. Bien, c'est-à-dire que je suis pas l'actualité autant que vous. La sénatrice qui dit aux féministes, taisez-vous sur la question de l'avortement, et là, je suis poli dans mes termes. Oh oui. Bien, moi, c'est pas ça que. Moi, j'aurais jamais dit ça. J'aurais dit aux gens, on vit dans une démocratie, si vous avez des doléances, faites-les entendre. Le gouvernement vous entendra pas toujours nécessairement, mais c'est important dans une démocratie qu'on encourage les gens à avancer leurs arguments et à véhiculer leurs opinions. Je ne vois pas qu'est-ce que ça donne de dire au groupe de pression, ben, taisez-vous. En vous taisant, vous aurez à la fin ce que vous souhaitez. Alors moi, je ne crois pas vraiment à cette approche. Un retour en politique, c'est exclu totalement ou pas? Il m'en reste un autre. J'en ai un de 2 ans et demi qui ne sait pas encore à faire du vélo à 2 roues. Quand j'aurai terminé avec lui, peut-être. Donc, peut-être une nouvelle course au leadership? Oh non, ça peut-être pas. Mais on va s'occuper des petits, puis après ça, on verra. Peut-être pas, mais peut-être. Bonne journée et bonne chance pour ces 2 semaines. Merci beaucoup, Michael Forti. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que Michael Forti est conseiller stratégique au cabinet d'avocats Ogilvy Renault et il est également conseiller stratégique pour la banque d'investissement Morgan Stanley et grand architecte du retour de l'AFE à Montréal, même s'il il prétend qu'il n'a pas eu un rôle aussi important qu'on le dit. Merci beaucoup, Michael Forti. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne semaine, bon champagne et on va continuer à suivre le dossier de Shell avec beaucoup d'intérêt. Très bien. Merci.

Alors, je vous le disais en début d'heure, l'émission cette semaine ne durera qu'une heure parce que de 10h à 11h, Radio-Canada, la première chaîne, vous présentera une série de reportages documentaires réalisés, co-réalisés par Charles Trahan et François Bouguingo. Charles Trahan, on le connaît surtout comme animateur d'Euromag, cette extraordinaire émission qui est diffusée à la première chaîne les samedis à 19h. Et Charles Trahan, je vais vous parler quelques minutes avant qu'on rejoigne François Bouguingo au téléphone. Bonjour Charles Trahan. Alors, normalement, vous êtes basé à Paris. Oui, au bureau de Radio-Canada à Paris. Oui. Et vous nous présentez donc ce magazine qui s'appelle Euromag, les samedis à 19h. Et c'est une espèce de condensé de tout ce que vous avez vu et entendu à la radio et à la télévision francophone à en Europe. Radio, ou à la radio. Ben, parfois, il n'y a pas des extraits de télé. J'ai entendu un extrait de Marine Le Pen à TF1 il y a quelques semaines. Oui, des fois, j'en mets un peu parce que ça illustre bien le sujet. Puis il se trouve que Marine Le Pen n'était pas nécessairement là où j'aurais aimé qu'elle soit pour illustrer un sujet. Donc, je prends des petits extraits. Mais normalement, en fait, on a des ententes avec les radios publiques, les radios francophones publiques d'Europe. Mm-hmm. Donc, les Suisses, les Belges et les Français. Et les Luxembourgeois aussi. Ben, en fait, pas avec eux, non. Non, non, non. Non. Et idéalement, ça serait le fun d'aller puiser des contenus ailleurs, parce que les Allemands aussi qui font de la radio en français sur les circuits internationaux, comme mm-hmm. une espèce de RCI allemand. Mais pour le moment, c'est ces trois radios-là, ça fait déjà beaucoup d'émissions à écouter, à trier, à sélectionner. Et c'est très agréable à faire aussi, parce qu'on est en contact avec des façons, des langages radiophoniques qui sont différents des nôtres, en fait. Et des types de débats aussi, des tons de débats qu'on ne retrouve pas toujours ici. Ouais. Et le problème que j'ai souvent avec particulièrement les Radio France, c'est qu'ils ont, même à la télé, vous le voyez si vous regardez TV5, ils parlent tous en même temps. Et quand c'est une émission qui dure 20 minutes, par exemple, ou 25 minutes, et puis moi, je vais prendre un extrait de 5 minutes, c'est très, très c'est pas difficile toujours de faire monter, un montage. Ouais, exactement. Mais bon, c'est toujours très agréable. Donc, Charles, vous avez co-animé et réalisé cette série qui sera présentée donc à la prochaine chaîne dans une quinzaine de minutes. Et vous avez réalisé tout ça avec notre ami François Bouguingo, qui est journaliste, qui est animateur, qui est président de Reporters sans frontières Canada, vice-président de Reporters sans frontières international. François, vous êtes en déplacement, donc on vous parle au téléphone. Bonjour François. Oui, bonjour Bernard. Comment allez-vous? Écoutez, ça, on va excellemment bien. On rentre dans la frénésie. C'est vraiment la dernière semaine d'attente. Et puis, on est plus impatients que les Sud-Africains, je pense à Charles et moi. Et on vous dit ayoba à vous, puisque c'est très gentil de votre part de nous recevoir et de nous céder une heure toute cette semaine. Ben écoutez, ça allait de soi. Donc, cette série s'appelle Ayoba Africa. Et ayoba, si j'ai bien compris, ça veut dire « cool ». Ah oui, ça veut dire cool, ça veut dire bravo, ça veut dire énormément de choses. À la fois, ça peut dire aussi le contraire, hein, puisque même quand c'est négatif, en Afrique du Sud, on peut dire ayoba, mais nous, on l'a pris dans l'optique un peu plus optimiste, puisque l'Afrique du Sud que nous avons visitée, c'est un pays somptueux, c'est un pays de beaucoup de possibilités. On l'a appelé le nouveau Far West, puisque tout est possible, le pire comme le meilleur, et on espère pour la Coupe du Monde, le meilleur, bien entendu. Mais c'est un pays de contraste, et là je m'adresse à tous les deux, c'est un pays de contraste. On a tendance à oublier qu'il y a 20 ans, ce régime était un des plus discriminatoires de la Terre, et qu'en 20 ans, on est arrivé à une société où il y a encore de grandes inégalités, où il y a encore, entre blanc et noir, des tensions. On l'a vu au cours des dernières semaines, quand ce politicien blanc, M. Terre Blanche, je pense, a été tué par deux Noirs. Donc, il y a encore des tensions, il y a encore des inégalités, mais en même temps, c'est un pays où il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de richesse, beaucoup d'histoire. C'est étonnant comme pays, non? Ben, c'est pour ça que c'est un peu un nouveau Western, l'Afrique du Sud, parce qu'effectivement, mais 20 ans, c'est tellement rien d'un point de vue historique. À l'échelle de l'humanité, pour faire, c'est rien. Une transition de ce régime qui était, à proprement parler, assez barbare, vers un pays démocratique. C'est la première puissance économique d'Afrique, probablement démocratique aussi. Et 20 ans, c'est rien. C'est rien. Il y a des gens qui, forcément, ne voient pas le changement encore si on va dans les townships ou dans les régions très reculées. C'est la pauvreté, c'est encore, si vous voulez, le cliché africain. Mais, disons, la transition est très, très rapide. Malgré tout, là, c'est un coup de force. Et puis, ça ne s'est pas fait dans un bain de sang non plus. Non, ouais. Effectivement. Et Bernard, vous avez eu l'excellente idée de mettre une chanson de Tandik Lassen avant qu'on rentre en onde. C'est vous dire à quel point, en Afrique du Sud, il y a encore plusieurs générations qui ont vécu cette page exécrable de ce pays, notamment cette grande dame, Tandik Lassen, qui porte sur son visage les marques réelles de ce qu'était ce gouvernement inique, cette injustice, ce plaisir qu'avaient certaines personnes à considérer les Noirs comme des sous-êtres. C'est encore extrêmement récent. Je pense, Charles, vous me contredirez, que c'est Johnny Clegg qui nous a dit une fois, vous vous en rendez pas compte, dans vos pays, quand il y a un accident d'un autobus scolaire avec 6 enfants qui meurent là-dedans, pendant des mois et des mois, tout le village va avoir le conseil des psychiatres. Or, nous, en Afrique du Sud, nous avons vécu 60 ans d'un traumatisme plus que profond. Et au moment où Mandela a été libéré, on nous a dit réconciliation et tournons la page comme si de rien n'était. Et cet exercice de psychiatrie qui était essentiel n'a jamais été effectué en Afrique du Sud. Donc, oui, effectivement, il y a encore énormément de blessures. Oui, il y a encore d'inégalités. Mais en même temps, on a l'impression, nous, d'avoir vu un pays qui a la volonté, malgré tout, de regarder vers l'avant. Mais c'est peut-être le plus grand changement avec la fin de l'apartheid, c'est l'espoir. Ouais, c'est l'espoir. Et puis, je pense que le peuple sud-africain est un peuple qui est très résilient aussi. C'est-à-dire qu'ils sont, ils savent ce qu'ils ont vécu. François le disait, effectivement, la vie n'est pas facile. La vie était pas encore beaucoup moins facile avant, mais il y a 20 ans, c'est court. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vécu sous le régime de l'apartheid qui découvrent encore aujourd'hui la liberté. Et donc, le fait de goûter à cette liberté-là, ça nourrit de l'espoir. Des fois, un peu déçu parce que les politiques, on n'est plus dans le régime de Mandela, hein. Mm-hmm. Mais bon, il y a une transition qui se fait là aussi. Il y a d'autres générations qui arrivent au pouvoir, qui font face à des nouveaux problèmes, à des nouveaux défis. Puis moi, je pense que c'est un pays qui est sur une bonne voie. Mais je pense que c'est un pays qui doit aussi faire attention, qui doit se surveiller aussi. Ouais. Parce que. Mais 20 ans, c'est une génération. Ce qui veut dire que quand vous êtes allés, vous avez passé plusieurs semaines en Afrique du Sud tous les deux, vous avez dû rencontrer des jeunes qui n'ont pas connu l'apartheid. Tout à fait. Et comment eux vivent ça? Est-ce qu'ils ont oublié ce que c'était? Est-ce qu'ils ont mal compris ce que c'était ou ils sont vraiment conscients de ce que c'était et des enjeux? François? Ceux qui n'ont pas vécu l'apartheid se considèrent comme une société en guillemets normale qui a le droit de regarder devant, d'avoir des ambitions comme les jeunes rappeurs américains. Il y a beaucoup d'influence de la musique et de la culture américaine qu'on sent en Afrique du Sud et qui est surtout reprise par ces jeunes générations justement qui n'ont pas connu l'histoire. Ça irrite un tout petit peu les vieilles générations, ça les agace un tout petit peu parce qu'ils ont l'impression qu'on oublie un peu trop facilement et qu'on écrase un peu trop facilement les vieux, puisque les jeunes qui sont là, qui sont en train d'émerger, ils ont compris que l'Afrique du Sud portait un potentiel économique extraordinaire. Ils sont devenus extrêmement riches, on les appelle les diamants noirs, les black diamonds. D'ailleurs, on est en train d'inventer même l'expression les black platinum, tellement on a dépassé le stade du diamant. Et entre-temps, ceux qui, eux, ont vécu dans la chair et dans leur âme le régime inique de l'apartheid, ils se disent, on a été oubliés, on a été les laissés pour compte, et même les grands combattants de la liberté, ils se sont enrichis et puis ils nous ont tourné le dos. Donc il y a encore une accroche à faire, il y a encore une récupération de l'histoire qui est importante à faire, d'autant plus que la génération de Mandela est en train de partir, et le jour que ce symbole-là magistral qui s'appelle Nelson Mandela va disparaître, on se demande quelle place l'histoire aura encore dans l'âme et dans la conscience collective de ce pays. Mais effectivement, Mandela, c'est quoi? C'est un super-héros? Il est un presque dieu. Un saint, là. C'est un dieu vivant, là-bas. Ouais. C'est vraiment... C'est l'âme du pays. Et c'est un bon... En fait, moi, nous, on s'inquiétait, on se posait la question, le jour où Mandela meurt, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va avoir un bain de sang? Parce que de loin, on avait l'impression que Mandela, c'est lui qui tenait encore, qui assurait la cohésion de ce pays-là. Mais en parlant avec des gens, on s'est rendu compte que Mandela, il était parti. C'est-à-dire qu'il n'est plus là, il est chez lui, tranquille. Il surveille un peu, il parle à ses amis et tout ça. Mais il y a une autre génération de politiciens. Puis le parti de l'ANC, bien qu'il soit pas mal unique là-bas, il y a différents... Différentes factions. Différentes factions. Il y a un équilibre qui se crée. Il y a une nouvelle génération de politiciens. Il y en a des moins bons, il y en a d'excellents. Il y a encore des vieux chiens de garde qui sont là, qui disent non, attention, fais pas ça, fais pas ci, fais pas... Mais Mandela, en fait, c'est que l'espèce de conscience de ce pays-là. C'est un symbole. C'est un symbole. Ouais. Le jour où il va mourir, moi, je n'ai pas l'impression que ça va partir en... en bain de sang. Là. On parle beaucoup. Oui, excusez-moi, François. Il y a un autre point intéressant, Charles, et ça, on l'a beaucoup senti, c'est l'influence du regard international. Les Sud-Africains ont conscience qu'ils ont un destin particulier, que c'est un peuple spécial, que c'est un peuple que le monde entier regarde avec admiration et avec beaucoup de sympathie. On a rencontré, malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour tout placer dans notre émission, on a rencontré ces jeunes Américains, ces jeunes chanteurs américains qui rentrent en Afrique du Sud en disant à Motherland, c'est notre mère patrie, même si on sait que le grand esclavage ne s'est pas passé avec l'Afrique du Sud, mais plutôt avec l'Afrique de l'Ouest, mais qui ont conscience que le monde les regarde et qu'on leur confie de ce genre de grand rendez-vous comme la Coupe du Monde et qu'ils n'ont pas le droit de trahir, ils n'ont pas le droit de décevoir, puisqu'aujourd'hui ils sont devenus le porte-flambeau de tout un continent. Ouais. Et ce sens de responsabilité, on l'a vraiment senti auprès des Sud-Africains et ils sont prêts à relever le challenge. Rapidement, à tous les deux, parce qu'il nous reste peu de temps, est-ce qu'on parle de Frédéric de Klerk en Afrique du Sud? C'est le dernier président de l'apartheid, et vous me corrigerez si ma perception est mauvaise, mais j'ai l'impression que c'est un peu le Mikhaïl Gorbatchev de l'Afrique du Sud. C'est lui, même s'il était président d'un régime d'apartheid, c'est quand même lui qui a permis la tenue d'élections libres, qui a légalisé le parti de Nelson Mandela et qui a donc favorisé l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela. Est-ce que on en parle du rôle de Frédéric de Klerk ou il est tombé dans l'oubli complètement? On a oublié qu'il a reçu le prix Nobel de la paix conjointement avec Nelson Mandela. Ce qui n'est pas rien. Sans l'oublier. Mais l'ombre de Mandela était tellement imposante que Frédéric de Klerk, comme la plupart d'ailleurs d'autres combattants, parce qu'il y en a beaucoup, Mandela n'était pas le seul. Mandela, au moment où il était en prison, il y a eu des gens à l'extérieur qui ont continué à animer le mouvement de lutte contre l'apartheid, incluant sa propre femme, Winnie Mandela, qui en a probablement fait beaucoup plus que Nelson Mandela. Mais cette ombre de ce géant, quand il est sorti de prison, a été tellement envahissante qu'il n'y avait plus personne autour de ça. Effectivement, Frédéric de Klerk, même si on lui reconnaît la stature d'un chef historique dans ce pays, il a complètement disparu un peu du champ de vision internationale. D'ailleurs, on était, nous, en Afrique du Sud, au moment où on célébrait les 20 ans de la libération de Nelson Mandela, et ils étaient invités tous à écouter le discours de l'actuel président, l'état de la nation. François, je dois vous interrompre là-dessus parce qu'on quitte l'antenne dans moins de 30 secondes. Je rappelle donc que cette série que vous co-animez et que Charles Trahan a réalisée s'appelle Ayoba Africa. Ce sera présenté dans quelques minutes après les nouvelles de 10 heures et ce sera comme ça toute la semaine jusqu'à vendredi. Merci beaucoup Charles Trahan, François Bougingo. Merci Bernard. Ayoba à vous. Ayoba. À très bientôt et nous on se quitte, on revient demain.